t'embête déjà. C'est aussi pour ça que je reste là. J'ouvre le ciel en grand pour t'apercevoir. Dans ta ville pleurant sur ton désespoir, je t'écris des lettres pour te toucher encore, pour te promettre peut-être cette vie en bronze et or. J'écoute des fois aux portes, croyant entendre ta voix. Je joue les sémaphores, espérant que tu me vois. Quand je songe au soir, c'est pour te rejoindre. Dans ce monde de rêve où tu es toujours là, que je suis tout pour toi. Au réveil, moi je sais que tout s'en ira. Oh, moi je t'écris des lettres pour te toucher encore, pour te promettre peut-être cette vie en bronze et or. J'écoute des fois aux portes, croyant entendre ta voix. Je joue les sémaphores, espérant que tu me vois. Toucher.